بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد frères et sœurs en islam, bienvenue encore une fois pour l'étude de l'aqida tahawiyya, de la croyance islamique dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours avec le premier chapitre dans lequel on parle du concept de la foi, de l'iman, et on passe maintenant à une nouvelle section qui traite de la relation entre le concept de la foi, qu'on appelle en arabe l'iman, et de sa relation avec un autre concept qui est le concept de l'islam, de l'islam. Ça veut dire l'islam et l'iman. C'est quoi la différence entre l'islam et entre l'iman, et quelle est la relation entre les deux? Et on va commencer ça du point sur lequel on s'était arrêté lors de notre dernière section. Quand on avait dit que les savants de l'islam avait pris deux approches pour interpréter les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit inna alladhina amanu wa amilu as-salihat man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun. Quand tu es un mu'min et que après ça tu fais les bonnes actions, qu'est-ce que ça veut dire, sachant que les bonnes actions font partie de l'iman? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il distingue entre le iman et entre les bonnes actions? On avait dit qu'il y avait une interprétation simpliste de certains savants qui disent que tout simplement, c'est pour mettre de l'emphase sur quoi? Sur l'importance des bonnes actions. Que tu ne peux pas prétendre avoir le iman et t'attendre au salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu ne le prouves pas avec tes bonnes actions. Mais on a d'autres savants, d'autres ulama qui ont donné une interprétation différente de ces versets-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est parce que le mot al-iman, le sens du mot al-iman, va dépendre de son contexte d'utilisation. Et c'est de ça qu'on est en train de parler dans cette section, inshallah ta'ala. On parle du sens de al-iman et du sens du mot al-islam et quelle est la relation entre les deux. On va vous résumer la relation entre les deux et la définition des deux en vous disant que dans la langue arabe, et même en général, dans n'importe quelle langue, à ma connaissance, bon, je ne connais pas toutes les langues du monde, mais je peux assumer que c'est comme ça, que la définition d'un mot peut parfois dépendre de son contexte d'utilisation. Ça veut dire un mot peut dire telle chose dans tel contexte et peut dire telle autre chose dans un autre contexte. Et ici, quand on applique ça à la question de l'iman et de l'islam, c'est que le mot « iman », quand il est combiné avec l'islam, il veut dire telle et telle chose. Et quand le mot iman est utilisé indépendamment, tout seul, dans une phrase, il a un sens qui est différent. Je rappelle, quand le mot iman est mentionné tout seul, de façon indépendante, dans une phrase, dans un verset, dans un hadith, il a la signification A. Quand il est parfois utilisé dans un contexte différent, dans lequel il est combiné avec l'islam, ou bien il est combiné par exemple avec les bonnes actions, الذين آمنوا وعملوا الصالحات, alors là le iman va prendre une signification qui est différente dans un tel contexte. Commençons ce chapitre avec un hadith très connu du prophète عليه الصلاة والسلام. Hadith très connu, un hadith long, qui est le hadith de Omar ibn Khattab sur Jibril, n'est-ce pas, le hadith de Jibril alayhi as-salam. Qui peut nous rappeler quel est le hadith de l'ange Gabriel, le hadith de Jibril alayhi as-salam? Pour ceux qui ne l'ont pas lu avant ça, je vous propose d'aller à la maison ce soir, chercher les 40 hadiths nawawi, très simple à vous procurer ça, et aller au deuxième hadith. C'est ça le hadith de Jibril alayhi as-salam. Qu'est-ce que le hadith de Jibril alayhi as-salam nous dit? Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. On ne veut pas tout le hadith, on veut juste la partie qui nous intéresse pour ce cours. Oui. Ok. Donc ici, l'ange Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi salam pour poser certaines questions sur la religion. C'est pour ça qu'à la fin, le prophète sallallahu alayhi salam nous a dit que ça, c'est l'ange Jibril alayhi salam qui est venu pour vous apprendre votre religion. Donc ce hadith-là contient la définition de la religion. Elle est contenue dans ce hadith-là, n'est-ce pas? Et l'ange Jibril, alayhi salam, pose trois questions clés, les trois questions les plus importantes. Après ça, il pose deux autres questions. Mais les trois questions les plus importantes qu'il pose au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, portent sur, c'est quoi? Al-Islam, numéro 1. Après ça, c'est quoi? Al-Iman, numéro 2. Après ça, c'est quoi? Al-Ihsan, numéro 3. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu en fournissant la définition de l'Islam, la définition de l'Iman et la définition de l'Ihsan, qui, je le rappelle, constituent les trois niveaux de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Ça commence avec l'Islam, le niveau le plus haut, le deuxième niveau de la religion, c'est l'Iman, et le troisième niveau, c'est l'Ihsan, c'est le niveau le plus haut dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ihsan, c'est simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la perfection, le plus haut niveau de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le top du top, c'est quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Car même si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a défini l'Islam et comment est-ce qu'il a défini l'Ihsan, l'Iman? Quelle est la définition de l'Islam que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donnée? Islam. Qui sont? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu quand l'ange Jibril alayhi sallam lui a dit c'est quoi l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec les cinq piliers de l'islam. Qui sont? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Shahada, témoignage. Quand tu dis la qulu la ilaha illallah. Donc ça c'est numéro 1. La shahada c'est une parole que le cœur va confirmer, bien sûr, pour que ce soit valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ce bas monde, pour nous, ce dont on a besoin, c'est la parole de la personne pour la considérer musulmane. On ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur du cœur. Donc, tu as la profession de la foi. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. Ça, c'est les cinq piliers de l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'islam avec ses cinq piliers. Après ça, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'iman, qu'est-ce qu'il a répondu? Comment est-ce qu'il a défini l'iman? Il a répondu en mentionnant les six piliers qui sont croire en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes et messagers, le jour dernier et le destin, la prédestination ou bien le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le qadar. Ok? Donc on a cinq piliers de l'islam, six piliers de iman. Cinq piliers de islam, six piliers de iman. Ça, il faut connaître ça par cœur. Ok? Quelle est la différence entre ces piliers-là? Entre les cinq piliers de ce côté et entre les six piliers de ce côté? Oui. L'un des frères. Ok, donc très bien, les cinq piliers que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné pour définir l'islam, n'est-ce pas? C'est des pratiques. Shahadatu an la ilaha illallah, la profession de la foi, c'est une pratique, parce que c'est des paroles, n'est-ce pas? La prière est une pratique, la zakat est une pratique, le jeûne est une pratique d'abstention, et le hajj aussi est une pratique. Les piliers de la foi, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a définis dans ce hadith-là? C'est des croyances, n'est-ce pas? Les piliers de l'islam, des pratiques. Les piliers de l'iman, des croyances. Est-ce que tout le monde est avec nous? Non. On ne veut perdre personne dans le chemin. C'est parce qu'on est en train de construire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Taïe. Est-ce que ça ne vous semble pas un peu contradictoire avec ce qu'on avait mentionné un peu auparavant? C'est le contraire. Hein? Ok, très bien. Donc ici, n'est-ce pas, comme le frère il dit, avant ça, pendant des heures, on vous parle pour vous dire tout le monde doit croire que la foi en islam, ce n'est pas seulement les croyances, ça inclut aussi les actions. Et là, on vient de vous dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a défini la foi avec six piliers qui constituent des croyances. Donc ça semble a priori être une contradiction. Quelqu'un va me dire, n'est-ce pas, choisis qu'est-ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Est-ce que l'islam, est-ce que le iman, est-ce que c'est des croyances ou bien est-ce que c'est des croyances et des actions? Voyez-vous, comment fournir la réponse à ça? On revient à notre règle qu'on avait mentionnée tout à l'heure. C'est que le sens de l'iman et le sens de l'islam va dépendre du contexte de leur utilisation. C'est quoi ce contexte d'utilisation? La règle est très simple. Ils disent al-iman et al-islam. Ida jtama'a iftaraqa. Wa ida iftaraqa ijtama'a. Écoutez bien ça. Tu as islam ici et iman ici. Quelle est la relation entre les deux? Ils te disent la relation entre les deux, c'est que s'ils se retrouvent, ils se séparent. Et s'ils se séparent, ils se retrouvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le iman et le islam sont mentionnés ensemble dans un seul texte, alors là, ils vont être distincts. Ils vont se partager deux parties de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le islam va représenter une partie de la religion, qui est la partie apparente, la partie pratique, et le iman va représenter la partie qui est intérieure, qui est interne, qui est dans le cœur de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'ils vont se complémenter. C'est parce qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? C'est pour donner un exemple, bien sûr, c'est une question de foi, mais on donne un exemple pour faciliter les choses. Ça, c'est comme ces deux employés qui se sont retrouvés ensemble. Parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont divisés. Chacun des deux, il a dit, moi, je vais prendre un département, tu prends l'autre. On se partage les tâches. Mais quand c'est l'un des deux qui est présent au bureau, il va faire tout le travail. C'est lui qui représente la compagnie, n'est-ce pas? Il devra assumer toutes les responsabilités. Voyez-vous, le iman et le islam, quand ils se retrouvent, ils vont se partager l'essence de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le islam va représenter l'aspect pratique de la religion. Le iman va représenter l'aspect interne, qui est dans le cœur. Mais s'ils se séparent, si dans un texte, ça te dit l'islam, alors l'islam c'est quoi? C'est toute la religion. C'est toute la religion, incluant ce qui est à l'intérieur du cœur. Est-ce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la religion ou non? Oui. Est-ce qu'on peut l'exclure du sens de l'islam? Non. C'est parce que, écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans l'autre verset? Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Certes, auprès d'Allah, la seule religion, et la religion, c'est l'islam. Donc, si on va dire l'islam, c'est seulement les actions apparentes, ça veut dire la religion auprès d'Allah, c'est seulement les pratiques. Ce qui est dans le cœur n'est pas important. Ça veut dire, même si tu ne crois pas en les anges, au jour dernier, etc., tu as pratiqué la religion. Tu vas venir auprès d'Allah, tu as fait ton travail et c'est fini. Est-ce que ça a du sens? Non. Ça veut dire la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et nécessairement, l'islam devra aussi inclure ce qui est à l'intérieur du cœur. Pourquoi? C'est parce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'islam tout seul. Le iman n'est pas mentionné dans ce verset-là. Donc, vu que le iman était absent, l'islam devra prendre toute la religion et représenter toute la religion. Vous comprenez? Le iman, c'est la même chose. Dans ce hadith-là, hadith de Jibril alayhi salam, le iman, il te dit que le iman, c'est seulement les croyances. Mais on a d'autres textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna du prophète alayhi salatu salam, qui nous indiquent que le iman inclut aussi les actions. Écoutez, on va mentionner des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit certes, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ, les mu'minin, les gens qui ont le iman vraiment, c'est qui? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ceux que quand le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est invoqué, leur cœur frémisse. Ça se trouve où? Cet élément-là, on le trouve où? C'est dans le cœur. Est-ce que c'est une croyance ou une action du cœur? Action du cœur. Les cœurs qui frémissent. Voyez-vous, c'est le cœur en action. Après ça, il dit subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et quand ils entendent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala être récités, leur foi augmente. Ça, c'est quelque chose qui se passe où? Dans le cœur. La foi qui augmente, c'est une croyance, n'est-ce pas? C'est un verset qui confirme l'autre. Je viens d'écouter un autre verset, ma croyance en Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté. Ma connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté. C'est parce qu'attention, le plus que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, le plus que ton iman va s'accroître. Voyez-vous? Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a deux croyants, deux musulmans qui aiment le paradis. Ils veulent accéder au paradis. Mais il y a un croyant qu'il n'a qu'une connaissance de base de l'islam. Tout ce qu'il connaît, c'est que le paradis, c'est une vie qui est éternelle, c'est la belle vie. Et c'est une vie qui est éternelle. Lui, il aime le paradis. Il espère entrer au paradis. Il veut entrer au paradis. Maintenant, tu as quelqu'un qui est un savant, qui connaît des milliers de hadiths, et qui connaît le Coran par cœur, et le tafsir du Coran. Donc lui, tu peux te parler pendant 5 heures de la description du paradis. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis en détail? Lequel des deux, normalement, va être plus attiré par le paradis? Le savant. Vous comprenez? C'est parce que plus de connaissances implique un plus de croyance, donc la foi qui monte à l'intérieur du cœur. Vous voyez, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Les croyants, quand ils apprennent de nouveaux versets, plus de révélations, leur connaissance d'Allah va augmenter et leur iman va augmenter. Après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ. Et qui ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La confiance en Allah, c'est quoi? C'est dans le cœur. Et c'est une action, n'est-ce pas? Après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux qui établissent leur prière et ils dépensent de ce qu'on leur a accordé. Est-ce que ça c'est dans le cœur? Non. La prière, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, ils font la prière et ils dépensent. C'est des actions, voyez-vous? Et tout ça, c'est dans un verset qui te définit les vrais croyants. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Les vraies personnes qui ont le iman, la foi. Donc ici, la foi, elle inclut quoi? Des croyances, des actions ainsi que... Ou bien des croyances, des actions du cœur ainsi que des actions du corps. Est-ce que vous êtes tous avec nous? Pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que le iman a inclus des actions? C'est parce que l'islam est absent dans ce verset-là. Voyez-vous? Le iman est tout seul, il devra représenter toute la religion. Tu avais une question? Vous avez dit tout à l'heure qu'il donne de l'argent, il prie, il dépense. Mais normalement, ce n'est pas les actions qui viennent de leur cœur. Oui, c'est... Je n'ai pas bien compris. Parce que quand il prie, il dépense de l'argent dans le zakat, mais ce n'est pas leur cœur, ça ne vient pas de eux. Oui, c'est certain. La source, ça veut dire quand une personne fait une bonne action, comme la salat, si elle a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas un hypocrite, n'est-ce pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que c'est nécessaire. Cette action-là, cette salat-là, n'est-ce pas, c'est le cœur qui a poussé vers la prière. La salat n'est pas venue de nulle part, tu vois, mais la salat fait quand même partie de l'iman. C'est ça le sens qu'on est en train d'expliquer. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans notre verset, dans sourate Al-Hujurat, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il dit subhanahu wa ta'ala, que certes, les vrais mu'minin, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, alayhi salatu wa salam. Jusqu'à maintenant, le iman, c'est quoi? C'est la croyance. Mais après ça, il dit subhanahu wa ta'ala, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. Ils font le jihad avec leurs âmes et avec leur argent, fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que là, c'est une croyance? Non, c'est une action. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que le iman a été mentionné tout seul. Donc là, le iman, quand il est mentionné tout seul, vu que l'islam n'est pas présent dans ce verset-là, le iman va inclure la croyance qu'il y a dans le cœur, mais aussi va inclure le sacrifice en termes d'action qui va témoigner de la véracité de ce iman qui débute du cœur. Comprenez tous? Oui. On peut prendre comme exemple, si l'iman et l'islam, c'est comme par exemple deux personnes, s'ils sont ensemble, ils vont se partager des tâches, mais si chacun est tout seul, il va prendre la tâche entière. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est deux personnes, c'est comme dans deux personnes, comme le frère il dit. Quand ces deux personnes-là sont ensemble, elles vont se partager les tâches. Et quand c'est l'un d'entre eux qui va être tout seul, il va faire toutes les tâches, il va assumer tout le travail. Oui, oui. Ça va nous donner... Si tu peux me rappeler cette question-là à la fin de cette section, Inch'Allah, je vais te répondre. Le frère, oui. Quand on parle d'Iman, Islam, Ihsan, est-ce que c'est deux ensembles séparés ou c'est un ensemble qui inclut l'autre? Parce qu'on parle d'Iman, et l'Iman, dans cet ensemble-là, ça inclut l'Islam. C'est-à-dire qu'on va parler de l'Iman, on peut inclure les... Si tu peux me rappeler cette question juste après, une fois que je vais finir les versets, Inch'Allah. Parce que ça, c'est notre prochain point que normalement je vais mentionner, mais tu peux quand même rappeler, Inch'Allah. Oui. Juste pour comprendre, dans le verset, Allah dit, voilà, ça veut dire quoi par rapport à ce que... Avec lui, Inch'Allah. C'est la même question, on va laisser pour la fin de cette section, Inch'Allah. Oui. Ok. On considère que c'est jumelé, c'est parce que c'est dans le même hadith. C'est parce que c'est dans la même ce qu'on appelle waqi'a. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là dans la même assemblée. Il a posé la question sur l'islam, et après ça sur l'iman, et après ça sur l'ihsan. Et après ça, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'ange Jibril est venu pour vous apprendre votre religion. Ça veut dire tout ça, c'est votre religion. Islam, iman, ihsan. Autre chose, regardez, même si je voulais essayer pour tout à l'heure, mais ça rejoint en quelque sorte sa question. Il y a un petit secret dans le hadith de Jibril alayhi salam. C'est quoi ce petit secret? C'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi salam a donné première chose la définition de l'islam. Islam, c'est la partie apparente de la religion. Quand il est mentionné, combine. Okay? La source de l'islam, c'est les pratiques. La source de l'iman, c'est le cœur. Okay? Vous voyez, c'est la croyance avec soumission et amour. Ok? Là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fourni au début la définition de l'islam, il a dit l'islam c'est les cinq piliers à faire. Après ça, il dit, et le iman, qu'est-ce que ça veut dire le iman? C'est les six piliers de la foi, ça veut dire quoi? En termes de niveau, le iman, c'est le islam, ce que tu as fait avant ça, et en plus de ça, c'est les piliers de l'iman. Vous voyez? Et après ça, l'ihsan, c'est quoi? Al-Ihsan, c'est d'avoir fait l'islam et d'avoir fait l'iman et de monter à un niveau dans lequel tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si, même si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc là, c'est les trois niveaux de la religion. Tu ne pourras pas arriver au niveau de l'iman avant de passer par le niveau de l'islam. Et tu ne pourras pas arriver au niveau de l'ihsan avant de passer par le niveau de l'iman. C'est pour ça que ces trois cercles, n'est-ce pas? Ça, c'est le islam. Regardez bien, ça c'est le cercle de l'islam. Le cercle le plus haut, c'est le cercle de l'Iman. Et le cercle encore plus haut, c'est le cercle de l'Ihsan. Ça, c'est en termes d'actions qui sont contenues. Ça veut dire l'Ihsan, en réalité, celui qui a atteint l'Ihsan, il a inclus toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Maintenant, en termes de membres, qui peut nous donner c'est quoi les cercles? En termes de membres de l'Ihsan et de l'Islam et de l'Iman et de l'Islam. Ça veut dire les personnes qui vivent, qui ont expérimenté l'islam et les personnes qui ont expérimenté l'iman et les personnes qui ont expérimenté l'ihsan. Oui. Je répète. En termes d'action, si on définit l'islam, ihsan, iman par leur contenu, par leur contenu, leurs actions, leur, c'est quoi leur nature, n'est-ce pas? Ça va monter comme ça. Ça, c'est le islam. Ça, c'est le iman qui inclut l'islam. Et ça, c'est le ihsan. Maintenant, si on va définir ces trois cercles-là, ces trois concepts, d'un angle qui est différent. Ça veut dire en regardant le nombre de personnes qui y font partie. Qui pourrait nous donner les cercles? Le nombre de personnes. Le nombre? Oui. Ça, c'est le islam. Tous les musulmans, on est là, ça s'appelle musulmans, n'est-ce pas? C'est les gens qui font partie de l'islam. Après ça, ça c'est les gens qui, parmi tous les musulmans, ça, c'est la petite partie de personnes qui sont arrivées au niveau de l'iman. Et parmi ces gens-là de l'iman, ça, c'est encore un cercle plus restreint de personnes qui sont arrivées au niveau de l'ihsan. C'est bac, maîtrise, doctorat. Vous comprenez? Celui qui a atteint le niveau de doctorat, c'est normal qu'il maîtrise les connaissances du bac et de la maîtrise. Mais en termes de personnes, ça va être inverse. Les personnes qui ont atteint le doctorat, c'est une minorité de personnes, n'est-ce pas? Et là, les membres qui ont eu le diplôme de maîtrise, qui sont sur la liste de maîtrise, c'est un nombre encore qui est plus grand, n'est-ce pas? Et les personnes qui ont obtenu leur bac, c'est encore un cercle qui est plus grand. Comprenez c'est quoi le sens? Non. Mais ça, c'est quand les trois sont combinés ensemble. Je répète encore une fois. Parce que si l'un de ces mots-là est mentionné tout seul, il représente islam égale iman égale ihsan. Voyez-vous? Maintenant, je répète la différence. C'est quoi la relation entre islam et iman, qu'on appelle talazum bayna al-dhahiri wal-batin, n'est-ce pas? L'islam et le iman se complètent. Le iman à sa source, c'est quoi? Les croyances. Croyances et. Non, non. Hein? Les croyances et. Non, il y avait la réponse. Croyance avec soumission et amour. Ça, c'est la source, n'est-ce pas? C'est de là que tout le iman va venir. C'est de cette chose-là que tout le iman va venir. C'est ça la source de l'iman. Donc, la source de l'iman se trouve où? Dans le cœur, ok? C'est vrai que la source de l'iman se trouve dans le cœur. Le iman, ce n'est pas seulement dans le cœur, mais c'est vrai que la source de l'iman, c'est dans le cœur. La source de l'islam, c'est où? L'islam, ça veut dire quoi dans la langue arabe? La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? La soumission à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La source de l'islam, c'est quoi? C'est les pratiques apparentes. Ça veut dire l'islam, c'est ce qui est pour nous dans ce bas monde. Est-ce que nous, dans ce bas-monde, est-ce qu'on juge les gens par leur iman ou bien par leur islam? Par leur islam, n'est-ce pas? Tu vas dire, la communauté musulmane, pas la communauté des mu'minines. C'est parce que la communauté des mu'minines, tu ne peux pas la connaître, c'est dans le cœur. Tu ne peux pas ouvrir les cœurs des gens et dire, toi tu es un mu'min, tu es avec nous. Toi tu n'es pas un mu'min, tu es out. Toi tu es un mu'min, tu es avec nous, vous voyez? Donc, nous, dans cette vie du bas-monde, on va avoir une section sur ça, Inch'Allah, on se base sur l'islam. Parce que la source de l'islam, c'est quoi? C'est les pratiques qui sont apparentes de la religion d'Allah. On va voir que même les pratiques apparentes peuvent avoir un impact sur les pratiques qui sont à l'intérieur du cœur. On va voir une section sur ça, Inch'Allah, sur la relation entre l'interne et l'externe. Quelle est la relation entre les deux? At-talazum bayna al-zahiri wa al-batin. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Oui, ça, ok. Ça, on parle du début de la révélation pour le prophète, alayhi salatu wa as-salam. Ça veut dire que c'est plus l'aspect éducatif en tant que tel. Mais là, on est en train de parler parce que lors du temps du prophète, alayhi salatu wa as-salam, surtout au début de son message et de sa révélation, alayhi salatu wa as-salam, la plupart des shara'i', ça veut dire des pratiques de l'islam, n'étaient pas encore révélé. On va parler de ça tout à l'heure, quand on va parler de l'évolution de l'iman. Que lors du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est mort un mois, mettons, après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait reçu la révélation, n'est-ce pas? Tout ce qu'il avait à faire, pour devenir croyant, pour compléter sa foi, c'est quoi? De dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » d'aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est fini. Il n'y avait pas encore de pratique qui était révélée, n'est-ce pas? Et les croyants étaient faibles et ainsi de suite. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé qu'un petit nombre de pratiques qui étaient du corps en tant que tel, n'est-ce pas? La plupart des croyants, même ils cachaient leur foi, ils cachaient leur iman, et il n'y avait pas de masjid, il n'y avait pas de salat ou de jama'a, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que de l'emphase était faite sur ce qui était sur le cœur. Mais une fois que la religion est complète maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complété la religion, et on ne peut plus faire chemin vers le retour, c'est parce que la révélation est complète. Là, il faut prendre la religion comme elle est. Il faut prendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme elle se trouve. Oui. Ok. Le frère, il dit, est-ce que c'est possible d'être un simple musulman sans devenir, sans avoir le iman? Ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par le iman. Si le iman ici est utilisé à son sens combiné avec le islam, qui veut dire quoi? Qui réfère à? Aux croyances. Iman combiné avec le islam réfère aux croyances, à ce qui est dans le cœur. Alors non, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas réaliser et compléter seulement le islam sans le iman. Ça veut dire, est-ce que le islam de la personne est valide sans les croyances du cœur? Est-ce que le islam de la personne, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est valide sans les actions du cœur? Celui qui fait ses prières, il fait son jeûne, il fait son témoignage de la foi, il fait son hajj, même à chaque année, il a l'argent, il fait le jeûne et ainsi de suite. Mais il n'a pas les croyances dans son cœur. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Un hypocrite, un munafiq. Vous voyez? Donc, ce islam en tant que tel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté. Voyez-vous? Donc, comme les ulama, ils disent, on va voir ça tout à l'heure, inshallah ta'ala, « La yakhlu islamun min imanin » « Wa la yakhlu imanun min islam » Un vrai islam ne peut pas être vide de iman. Tu as besoin d'un peu de iman dans ton cœur. Ne serait-ce que connaître un peu Allah subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Tu peux avoir un iman qui est faible. Tu peux avoir un musulman qui a un iman qui est faible, voyez-vous. Mais il a quand même un peu de iman dans son cœur. Mais si tu veux dire ici le iman dans son sens général, ça veut dire qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le niveau en tant que tel, le niveau qui suit le niveau de l'islam, alors là, non. Pour arriver au niveau de... Si tu es au niveau de l'islam, ça veut dire que tu n'es pas arrivé au niveau de l'iman. C'est parce que pour arriver au niveau de l'iman, qu'est-ce que tu dois faire? Faire toutes les obligations et éviter tous les interdits. Vous comprenez? Je réexplique une deuxième fois d'une autre façon. Le premier niveau de la religion, c'est quoi? L'islam. L'islam, est-ce que nous, on peut le connaître, ce premier niveau de la religion? Est-ce qu'on peut le distinguer d'une personne à une autre? Oui. C'est ce qu'on appelle la communauté, la Ummah des musulmans, n'est-ce pas? Toute personne qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna muhammadan » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien qui dit ana muslimun, je suis un musulman. Ou bien comme d'autres signes. On va voir ça tout à l'heure, inchallah, on va voir une section sur ça. Mais toute personne qui s'identifie à l'islam, on va l'appeler musulman. Ça veut dire parce que qu'est-ce qu'il y a en bas de l'islam? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le kufr, n'est-ce pas? C'est une personne. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Quelqu'un qui tombe du niveau de l'islam, il va tomber où? Dans le kufr, dans la mécréance, voyez-vous, donc ça c'est évident. Donc toute personne qui se dit que lui c'est un musulman, il fait partie des musulmans, on va le considérer parmi la grande communauté des musulmans, tant et autant qu'il ne commette pas l'un des annulateurs de l'islam. Nawaqidu al-islam. C'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant pour tout le monde? Tout ce que nous, on peut confirmer dans cette vie du bas-monde, là où on s'arrête, c'est où? C'est ce niveau-là de l'islam. Est-ce que nous, dans cette vie du bas monde, est-ce qu'on peut désigner les mu'minines et les muhsinines? Est-ce qu'on peut dire, bon, dans cette salle-là, on a des statistiques comme ça, on a 14 mu'mines et 3 muhsinines. C'est pas, ça va pas mal bien. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. C'est parce que là, tu fais intervenir le jugement de al-batin, de l'interne, n'est-ce pas, qui est nécessaire que seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître. Donc nous, dans cette vie du bas monde, on se contente de dire muslimun ou bien kafirun, musulman ou bien non-musulman. Maintenant, parmi toutes ces personnes-là qui s'identifient comme étant musulmanes, si on regarde ça maintenant d'un autre regard, ça veut dire si on enlève, bien sûr au sens figuré, c'est pas, on ne peut pas le faire, seulement le jour du jugement que les gens vont savoir, mais si on enlève le voile qui nous cache ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Là, les personnes qui sont dans l'islam, qu'est-ce qu'on va découvrir parmi elles? Première chose, on va découvrir les hypocrites, les munafiqines. Ok? Les munafiqines, c'est qui? C'est les personnes que leur islam était seulement apparent. Dans le cœur, il y a zéro. C'est zéro. Il n'y a pas la racine de l'iman, elle n'existe pas dans le cœur. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, elles tombent dans... On va faire, c'est comme le mur qui s'inverse comme ça, n'est-ce pas? On va inverser le truc et on va les faire tomber dans Al-Kufr. Ces personnes-là, auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un hypocrite, munafiq, celui qui ne croit pas. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il dit, je suis un croyant, mais il sait à l'intérieur de lui-même que lui, ce n'est pas un croyant. Il ne croit pas. Lui, en réalité, c'est un mécréant auprès d'Allah. Ça veut dire le jour du jugement, il ne va pas faire partie des musulmans. Il ne va pas dire, moi, je suis un musulman. Non. Le jour du jugement, khalas, yawma tubla sara'ir, tu reviens à ton vrai camp. Ça veut dire le camp de ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on vient d'enlever une partie de ceux qui disaient que nous, on est des muslimines auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont être séparés des muslimines. Là, il nous reste quoi? Parmi les autres muslimines, maintenant, tous ces niveaux-là, toutes ces personnes-là qui s'identifient à l'islam, le minimum commun à tous, c'est quoi? C'est la racine de l'iman, qui est les croyances ainsi que l'amour et la soumission, jusqu'à un certain degré, parce que même l'amour et la soumission, comme on le répète à chaque fois, n'est pas le même entre une personne et une autre. Il peut diminuer, il peut, mais il existe, il est commun à tout le monde. Tout le monde nous suit? Vous êtes certain? Comme j'ai dit, ne soyez pas gênés de poser des questions. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que les autres ne comprennent pas. C'est pas, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple a priori quand on entend parler de ça pour la première fois. Tout le monde a le commun ici qui est la racine de l'iman. Maintenant, parmi tous ces musulmans-là qui ont la racine de l'iman qui est commune à tous, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ceux qui ont complété, qui ont un niveau de iman dans leur cœur qui est assez fort, qui leur a permis de compléter le iman, d'arriver au niveau de l'iman, de monter de l'islam à l'iman, ça veut dire leur niveau de foi à l'intérieur de leur cœur leur a permis de faire toutes les bonnes actions, les obligations et d'éviter tous les interdits. Et ces personnes-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ce qu'ils vont recevoir, c'est quoi? C'est le titre de mu'min. Il mérite d'être nommé mu'minun. Vous comprenez? Il est monté au niveau de l'iman. Le premier, il reste dans le niveau de l'islam. Il n'est pas sorti de la religion, sauf que sa foi est faible. Donc, il a du iman avec lui. Il porte du iman, n'est-ce pas? Mais il ne mérite pas le titre en tant que tel de mu'min. Il reste muslim, n'est-ce pas? La différence, c'est quoi? Je vais donner un exemple. Quelle est la définition d'un riche, selon vous? Comment définir un riche? Comment dire que lui, c'est un riche? Hein? Musulman. Ça, c'est dans notre iman. On parle matériellement parlé. Celui qui a beaucoup de richesses. On appelle ça un riche, n'est-ce pas? On appelle ça un riche. Il a des richesses, n'est-ce pas? Maintenant, c'est qui un pauvre? C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de richesse. Quand on dit que quelqu'un n'est pas riche encore, il est encore pauvre, il n'est pas encore atteint le niveau de richesse. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'a pas du tout de richesse? Non, il peut avoir 5 dollars dans sa poche. peut avoir des tables à la maison, des chaises, n'est-ce pas? Un minimum. Donc, il a de la richesse. On n'est pas en train de dire qu'il n'a pas du tout de richesse, qu'il est un mu'adam, comme ils disent. Il a de la richesse avec lui. Mais il ne mérite pas le titre de riche. C'est parce qu'il n'a pas atteint le niveau de richesse qui lui donne accès au rang des riches. La même chose ici. La personne qui reste au niveau de l'islam, elle a du iman avec elle. Son cœur n'est pas vide de iman. Mais elle n'a pas atteint le niveau de iman, de quantité de iman qui lui mérite, qui lui fait mériter d'être en quelque sorte mis au rang de des mu'minines et de mériter là ce nom de al-mu'minine. Oui. Non, attention. C'est parce que si quelqu'un manque des six piliers de l'iman, là, ça touche à où ici? Ça touche aux racines. N'est-ce pas? Le shaitan est en train de frapper dans les racines du iman en tant que tel. Donc là, c'est une urgence, c'est la crise cardiaque. Tu dois prendre la personne, n'est-ce pas? Tuqimu alayhi al-hujja, sur place. Il te dit, moi, je ne crois pas en les anges. On doit résoudre ça sur place. C'est parce qu'on doit définir soit tu es musulman ou bien tu l'es pas. Donc, on va te dire que dans la religion de l'islam, deuxième pilier de la foi, c'est de croire en les anges. Parce que voilà ce que le livre, il nous dit, Qur'an al-Karim, et voilà ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit. Maintenant, décide-toi, choisis ton camp. Soit tu vas croire en les anges, ou bien dire que moi, je ne crois pas en les anges, après avoir lu dans le Qur'an al-Karim que les anges, ils existent, ce qui veut dire que moi, je ne crois pas vraiment le Qur'an al-Karim, ce veut dire que moi, je ne suis pas un musulman. Voyez-vous? Parce que là, ça touche aux racines de l'iman en tant que tel. C'est les racines de l'iman. Ce qui est différent de, comme on l'a mentionné, de quelqu'un qui désobéit à ses parents. Là, ce n'est plus les racines de l'iman. Là, on joue dans quel niveau? Le niveau de l'iman qui est obligatoire. L'iman qui est requis. Donc, si quelqu'un est désobéi à ses parents, tu ne vas pas le prendre sur place comme ça, tu vas lui ramener des chouïrs, tu vas dire, décide-toi sur place. Soit tu vas obéir à tes parents ou bien tu sors de l'islam. Non, c'est parce que là, ce n'est pas les racines de l'islam. Tu vas dire, mon frère, tu es en train de désobéir à Allah, c'est grave, si tu meurs demain, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être te punir et ainsi de suite, mais il est encore musulman. Vous comprenez? Hein? Donc, pour les khawarij, c'est comme si les racines pour eux, c'est le deuxième niveau. Pour les khawarij, toute la religion, toutes les pratiques obligatoires et tous les interdits, tout ça, c'est un seul bloc. Existe ou existe pas. Il n'y a pas, il y a ni racine ni autre chose. C'est soit ça existe ou bien ça n'existe pas. Tu fais tout. Hein? Exactement. Non. C'est clair? Oui. Exactement. Pour qu'une personne arrive au niveau de l'iman, elle doit traverser le niveau de l'islam au sens où elle doit entrer dans l'islam. Et pour entrer dans l'islam, bien sûr, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la racine qui est nécessaire ici. Tant que tu as la racine, si tu commences avec la racine, tu joues dans l'islam. Tu es dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour nous, dans ce bas monde, c'est différent. On ne peut pas vérifier la racine. Si quelqu'un prétend avoir la racine, on va assumer qu'il l'a. Sauf s'il fait quelque chose qui nous prouve clairement que ça, c'est contraire à la racine. Voyez-vous, on va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Que nous, dans ce bas monde, on juge par quoi? Par les apparences. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et que personne ne nous dise, tu ne peux pas me juger. C'est parce que parfois, il y a des actions qui sortent et qui prouvent nécessairement qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur. Voyez-vous? Comme on l'a mentionné, quelqu'un qui désobéit à ses parents, ça veut dire nécessairement que le iman dans son cœur est faible. Vous comprenez qu'il y a un manque de iman à l'intérieur de son cœur. Quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça indique que la racine à l'intérieur est corrompue. C'est un problème de racine, ce n'est plus un problème de niveau de iman. Parce que tu ne peux pas vénérer Allah, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas avoir une graine d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, une graine de soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala et de crainte de sa punition subhanahu wa ta'ala et insulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du 180 degrés. Ça c'est le chemin d'Allah, ça c'est le chemin du shaitan. Ça veut dire que toi tu viens de choisir l'autre chemin. C'est pour ça que c'est l'un des annulateurs de l'islam de la personne sur place. Non. Est-ce que c'est clair? Taïb, mentionnons encore quelques autres textes qu'on n'avait pas mentionnés. Regardez, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Fi hadith wafd Abdil Qais al-Mutafaqi alayhi dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces gens-là d'une tribu qui s'appelle wafd Abdil Qais, yarhamukumullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Amurukum bil iman billahi wahdahu. Je vous ordonne d'avoir le iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien. Je vous ordonne d'avoir le iman en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après ça? Atadouna mal iman billahi wahdahu. Est-ce que vous savez c'est quoi le fait d'avoir le iman en Allah subhanahu wa ta'ala unique? Ils ont dit c'est quoi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. Il a dit le iman en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est le témoignage de la foi, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, et établir la salat, donner la zakat et de remettre le cinquième de votre butin de guerre si vous gagnez dans les batailles. Ça vous rappelle quoi cette définition de l'iman ici? Ça s'apparente à quoi? À la définition de l'islam dans notre hadith qui est le hadith de Jibril alayhi salam. Pourquoi est-ce que les différents, pourquoi est-ce que la définition est différente ici? Hein? C'est parce que l'iman est mentionné tout seul dans ce hadith. Donc il va regrouper toute la religion. Ça va inclure la prière, ça va inclure la zakat, ça va tout inclure. C'est clair? Et je répète un hadith qu'on avait mentionné lors d'une autre section, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. La foi, le iman, c'est un peu plus de 70 branches. C'est quoi ces branches-là? La plus haute, c'est qawlu la ilaha illallah. De dire la ilaha illallah. Ça, c'est la branche la plus haute. Wa adnaha, la branche la moins haute, c'est quoi? Enlever le mal du chemin des gens. Donc c'est une action ici. Wal haya wa shu'batun min al-iman, la pudeur est l'une des branches de la foi. Donc la foi c'est comme un arbre et cet arbre là va inclure même des actions. Pourquoi est-ce qu'il inclut des actions dans ce hadith? Parce qu'il est mentionné tout seul. Parce que ça dit pas le iman et le islam. C'est clair? On a un hadith dans Musnad l'Imam Ahmed. Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit Al-Islamu alaniya wal-imanu fi al-qalb. Il a dit l'islam est déclaré, est visible, est apparent et le iman est dans le cœur. Pourquoi est-ce que le iman est dans le cœur dans ce hadith? Quelqu'un va dire ah tu vois, j'ai trouvé le hadith. Tu vois, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Le iman c'est dans le cœur. Fais ce que je veux et tu ne peux pas savoir si j'ai le imam dans le cœur ou bien je ne l'ai pas. Tu ne peux pas me juger, tu ne peux pas m'accuser ou autre chose. Moi, j'ai le imam dans mon cœur. Comment tu vas lui répondre? Si quelqu'un te ramène ce hadith, il va dire, moi, je ne prie pas, c'est parce que le imam, c'est dans le cœur. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit. Comment tu lui réponds? Islam ou alaniya, ok. Et parce que aussi, on va dire, c'est parce que la règle, elle nous dit que quand l'islam est mentionné avec le iman, ils vont se partager les sens. C'est pour ça qu'ici, le iman a référé à ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté là. Il t'a bloqué à droite et à gauche. Il te dit, islam c'est visible. Ça veut dire, si tu es un musulman, montre-le, prouve-le avec tes actions. Voyez-vous? Nous, ce qu'on a pour nous dans ce bas monde, c'est l'islam. Je ne veux pas juger Dieu, l'iman de là. Personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le islam. C'est mon frère en islam ou bien c'est pas mon frère en islam. Je peux prier derrière lui, je peux pas prier derrière lui. Je peux manger sa viande, je peux pas manger sa viande. Vous comprenez? Je juge de par les apparences qui est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fi surati al-hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قالت الأعراب آمنا. Les bédouins ont prétendu. Ils ont dit, nous sommes des mu'minines. Nous avons le iman. Nous avons la foi. Vous savez, les bédouins, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Que en général, les bédouins sont les plus susceptible d'avoir l'hypocrisie et la mécréance. Pourquoi? Ils sont ignorants. Pourquoi est-ce qu'ils sont ignorants? C'est parce qu'ils vivent éloignés, n'est-ce pas? Ils vivent éloignés de la communauté des musulmans. Et lors de ce temps-là, ils vivaient éloignés du temps, de la Médine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, leur contact avec l'islam, avec la religion est limité. Ils ne sont pas concernés par les affaires des croyants. Ce n'est pas comme les sahaba, ils vivent avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le nuit et le jour, n'est-ce pas? Ils entendent parler de ce que Quraysh, elle veut faire, n'est-ce pas? Et le verset, il descend, etc. Les bédouins, ils ont un contact comme ça, lointain, ils connaissent leur religion à peine. Après ça, ils vivent éloignés, dans des zones éloignées. Tout ce qui les intéresse, c'est leur agriculture, manger, boire et faire le minimum de pratiques. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا » Il y a un groupe de bédouins qui ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le iman. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Qul lam tu'minu. Dit non. Vous n'avez pas le iman. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit? Vous êtes des kuffars, vous êtes des mécréants? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit corrigez vos mots, contrôlez vos mots. Walakin qulu aslamna. Dites plutôt nous sommes des musulmans. Nous avons le islam. Ça veut dire on est au niveau A. On n'est pas encore monté au niveau de l'iman. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Jusqu'à ce que le iman va vraiment pénétrer et bien se raffermir à l'intérieur de vos cœurs, c'est là où vous allez monter au niveau de mu'minin. Vous comprenez? Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre islam et entre iman. C'est deux choses différentes, c'est parce que les deux se sont retrouvés dans le même verset. Oui. On va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. On va voir toute une section sur ça, Inch'Allah. Istitna fil iman. Non. D'autres questions? Pas de questions sur ce verset, Taïb. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait dans son hadith, Allahumma laka aslamtu wa bika amant, dans son dua. Ou bien on va prendre un autre hadith qui est encore plus... qui nous illustre plus cette différence entre les deux. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an, comme dans Sahih Muslim, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma laka an fulanin wallahi inni la arahu mu'mina. Je ne me rappelle pas si c'était Sa'd lui-même qui l'avait dit ou bien quelqu'un d'autre, mais c'est le hadith de Sa'd. En tout cas, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu n'as pas donné à telle personne? Parce que je considère que c'est un mu'min. C'est quoi l'histoire ici? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois, quand il avait les butins de la guerre et ainsi de suite, il distribuait. Quand il avait des, n'est-ce pas, des dents qui lui arrivaient à autre chose, il distribuait. Et il distribuait, entre autres, à des personnes qu'on appelle al-mu'allafatu quloubuhum. C'est qui ça, les personnes qui sont mu'allafatu quloubuhum? Hein? Les personnes qui viennent de connaître l'islam, encore la foi qui est faible et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il est encore vraiment au début de niveau de l'islam. Donc ces personnes-là, on est encouragé, même pour la zakat, on peut leur donner la zakat. Ils font partie de Ashum al-Zakat, même s'ils n'ont pas besoin d'argent, mais tu peux leur donner de l'argent de la zakat. Pourquoi? C'est parce que ça les aide, ça les encourage, n'est-ce pas, à raffermir leur foi. Comment? Quelqu'un va dire, mais non, mais l'islam c'est une croyance, c'est une religion, c'est le cœur, t'achètes pas les gens avec l'argent. C'est pas ça la question. Pour bien comprendre ça, comment la vie elle fonctionne, c'est que parfois l'une des choses qui empêche les gens de croire, c'est quoi? L'une des raisons qui empêche les gens de suivre la vérité. C'est pas qu'ils ne croient pas en la vérité, ou bien qu'ils ne veulent pas suivre la vérité. C'est qu'il y a un empêchement trop fort pour eux. Cet empêchement-là peut être quoi? Peut être, ok, si moi, on va donner un exemple très simple. Si moi, je me convertis à l'islam, mes parents vont me mettre dehors. Toute ma famille va m'exclure. Et ainsi de suite. Et c'est quelqu'un qui n'a pas tant que ça de iman, de motivation, n'est-ce pas? C'est pas une foi qui est encore si forte qui fait en sorte qu'il va dire j'ai confiance en Allah, qu'il fasse ce qu'il fasse, Allah va me prendre en charge et ainsi de suite. Donc lui, ce qu'il va penser, c'est quoi? Si je me convertis à l'islam, Ou bien si je commence à faire mes prières, ou bien la sœur va dire je vis avec mes parents, ils ne sont pas musulmans. Si je porte le voile, on va me mettre dehors. Si on me met dehors, il n'y a personne pour me prendre en charge et ainsi de suite. Donc là, ce qui va empêcher la personne de suivre le chemin de la bonté et de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais c'est qu'il y a quelque chose de trop fort pour elle. Donc quelque chose comme un don de zakat pour al-mu'allafati qulubuhum va venir, pas pour la pousser pour faire les bonnes actions, va venir pour annuler cet empêchement. Tu vois ? N'aie pas peur. Ton peuple, ta famille, ta tribu, tes proches t'ont exclu à cause de ton iman, à cause de ton islam, on te résout ce problème. Tu viens d'entrer en islam, comme ça, le shaitan ne va pas lui dire que toi, parce que tu viens de devenir musulman, tu vas tout perdre. Non. On va enlever le shaitan ici, on va dire à la personne que même quand tu deviens musulman, tes frères en islam vont te prendre en charge. Vous comprenez c'est quoi l'idée ? Donc là, il y a un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas bien compris, il n'a pas bien absorbé cette idée. Il pensait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il distribuait aux personnes qu'il aimait. Que ah, lui c'est un bon croyant, lui donne la récompense, il prend le cadeau. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait. Au contraire, le plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait que quelqu'un avait une foi qui était forte, le plus qu'il l'oubliait dans ce genre de choses. C'est parce que lui, il a la foi, il a le iman. Sa récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait soin plus de ceux qui avaient la foi qui était faible. Donc là, ce compagnon n'a pas compris cette idée-là. Il pensait que c'était le contraire. Il a dit, ya Rasulallah, malaka an fulan, regarde, lui, tu n'as pas donné. Et lui, c'est un mu'min. Ça veut dire, je le connais, c'est quelqu'un, il y a le iman, c'est quelqu'un de fort, et ainsi de suite. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici pour le corriger? Il a dit, aw musliman qalaha thalathan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu veux dire plutôt musulman. Ça veut dire, ne dis pas qu'il est mu'min dès qu'il est musulman. Ça veut dire ici encore une fois, dans le même texte, on a iman et islam. Ça va faire en sorte que les deux vont prendre deux sens qui sont différents. Le iman, c'est ce qui est à l'intérieur du cœur. Et toi, le compagnon qui est en train de faire cette suggestion au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas prétendre témoigner de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de cette personne-là. Donc, contente-toi de dire que c'est un musulman. Ne dis pas que c'est un mu'min parce que tu ne sais pas, c'est à l'intérieur de son cœur. Vous comprenez ? Non. Et pour conclure, inshallah ta'ala, sur ce point, en passant, cette règle-là de deux mots qui se, à chaque fois qu'ils se rassemblent, ils se divisent, et à chaque fois qu'ils se divisent, ils vont se rassembler, n'est pas particulière à l'iman et à l'islam. Ça touche aussi à d'autres mots dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple al-birr wa al-taqwa. On le trouve beaucoup dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu ala al-birri wa al-taqwa, al-birr wa al-taqwa, al-birr wa al-taqwa. C'est quoi ces deux choses-là qui sont al-birr wa al-taqwa? Est-ce que c'est deux choses qui sont différentes ou bien c'est la même chose? C'est la même règle qui va s'appliquer. Quand ils sont combinés ensemble, c'est deux choses qui sont différentes. Quand elles sont mentionnées séparément, c'est toute la religion. Okay? Quand al-birr est combiné avec al-taqwa, qu'est-ce que ça veut dire? Al-birr va référer à la piété, ça veut dire le fait de faire les bonnes actions. Et al-taqwa va référer à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le fait de s'éloigner des mauvaises actions et des interdits. Je répète encore une fois. Al-birr combiné avec al-taqwa, al-birr va vouloir dire faire le bien, al-taqwa va vouloir dire éviter le mal. Donc c'est deux moitiés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand al-birr est mentionné tout seul, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut de faire les obligations et aussi d'éviter les interdits. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne le birr tout seul, qu'est-ce qu'il dit? Inna al-abrara lafi na'im. Les gens qui ont al-birr, ils vont être dans les délices du paradis. Est-ce que c'est seulement en faisant les bonnes actions qu'on va être dans les délices du paradis? Non, c'est aussi en évitant les interdits. Donc ça va inclure aussi al-taqwa. Quand le taqwa est mentionné tout seul, est-ce que c'est seulement le fait d'éviter le mal et les interdits? Non. C'est aussi le fait de faire les obligations. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna lil muttaqina mafaza » N'est-ce pas la même chose? Ceux qui ont la taqwa, les muttaqin, ils vont avoir La victoire, ça veut dire le paradis. Est-ce que la victoire, c'est seulement en évitant les interdits, sans faire les obligations? Non. Mais c'est parce que ici le taqwa est mentionné tout seul, donc il va aussi inclure le bir. Vous comprenez? Et pour conclure, Inch'Allah, je reviens à ta question tout à l'heure, pour revenir à notre question de « Inna alladhina amanu wa amilu salihat » comme le frère dit « Wal asr, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat » Allez, qui peut nous déduire de tout ce qu'on a mentionné maintenant? Qui peut nous expliquer ici pourquoi est-ce que c'est « Alladhina amanu wa amilu salihat » ceux qui ont le iman et qui font les bonnes actions. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les bonnes actions, sachant que les bonnes actions font partie de l'iman? Oui. Ok. Excellent. Parce que amilus salihat, les bonnes actions ici, égale à islam. Donc ici, c'est comme avoir islam et iman dans le même texte. Voyez-vous, donc là, parce que iman n'a pas été mentionné tout seul, oui, il va référer seulement à ce qu'il y a dans le cœur. Mais tu dois lui ajouter وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ qui est le degré de l'islam, voyez-vous, et que tout ça c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.